Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de ce 31 mars 2018. Voici les grands titres. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi tire la sonnette d'alarme après le constat que certaines fillettes sont mortes des suites d'agressions sexuelles. La FENADEB, la Fédération, dresse un bilan de 9 fillettes violées depuis la deuxième moitié de l'année 2017. Et les violences basées sur le genre sont également une triste réalité en province Makamba. Notre correspondant au sud du pays nous donnera quelques chiffres. Et les jeunes volontaires des Nations Unies demandent un accompagnement qui leur permettrait de financer leurs projets de développement après des stages effectués dans différentes structures d'accueil afin de ne pas retourner dans la vie de chômeur. Ce vendredi, des certificats ont été décernés à 180 jeunes provenant de la mairie de Bujumbura, des provinces Makamba et Lumonge. Et à la fin de ce journal, Léon Subitariho me rejoindra pour la revue de presse. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. 9 fillettes ont été victimes de violences sexuelles depuis la deuxième moitié de l'année 2017 et certaines ont perdu leur vie. Le bilan est celui de la FENADEB, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, qui considère que la dégradation des mœurs constitue l'une des causes. Le secrétaire général de la FENADEB appelle les institutions, notamment la justice, à sanctionner exemplairement leurs auteurs. Suivez Ferdinand Simbaruhige au micro d'Alain Désiré Boukayenetz. Très récemment, c'était le 21 courant, une fillette de 13 ans qui étudie en 4e année primaire à Mugambia. Elle est rentrée là où elle habitait chez son grand-père. En cours de sommet, donc, elle a rencontré des gens qui l'ont violée et par après qui l'ont tuée. Vous comprenez quand même que c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Au niveau de la fédération, nous avons enregistré uniquement pour le deuxième semestre de l'année écoulée, nous avions enregistré 9 cas d'enfants qui avaient été violés. D'ailleurs, la grande partie de ces fillettes sont mortes à cause des blessures. Donc, vous comprenez que c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Quelles sont les causes de ces violences? Il est vraiment difficile de trouver les causes maintenant parce que rien ne peut justifier un tel comportement. Mais si on essaie de faire une réflexion, d'abord, il faut dire qu'il y a, à notre avis, une dégradation des mœurs parce que cela est apparu depuis un certain temps. Dans le temps, vous savez que les gens avaient peur de s'approcher des enfants. Il faut alors que nous agissions, il faut que les différents acteurs en présence d'enfance, chacun, en ce qui le concerne, fasse quelque chose. Qu'est-ce qui devrait être fait et par qui? Bon, je dois commencer par les enfants parce que les enfants aussi sont des acteurs dans leur protection. Et les enfants doivent aussi savoir qu'ils ne peuvent pas aller n'importe où. Ils doivent savoir qu'il y a des endroits dangereux. Et si l'enfant doit traverser des forêts, vous comprenez que c'est dangereux. Il y a aussi des parents. Hein. Les parents aussi sont des acteurs aussi principaux dans la protection de leurs enfants. En fait, avant d'envoyer les enfants quelque part, ils doivent se rassurer qu'il n'y a pas de danger qui pourrait guetter les enfants. Donc, il y a aussi l'administration, notamment dans l'identification des auteurs d'autres actes. Il y a aussi la police aussi qui devrait aussi jouer un rôle important dans l'identification des auteurs. Une fois les auteurs découverts, la justice aussi devrait punir exemplairement les auteurs. Les violences basées sur le genre sont également une triste réalité en province Makamba. Selon les données du Centre pour le développement familial et communautaire à Makamba, dans leur rencontre de ce vendredi, le leader dans différents secteurs d'activité dans cette province de Makamba trouve qu'agir en synergie viendrait à bout de ces violences. Jean-Pierre Misako. Les données disponibles au Centre pour le développement familial et communautaire en province Makamba montrent que 437 femmes ont été victimes de violences basées sur le genre en 2017, au moment où elles étaient 350 en 2016. Côté masculin, ce centre a dénombré 56 hommes en 2017, alors qu'ils étaient 54 en 2016. Nibogora Renate, une leader communautaire de Nyanzalak, reconnaît l'existence de ces violences, mais qu'elles sont actuellement combattues en collaboration avec l'administration locale et appuyées par le Centre intégré de lutte contre les violences sexuelles et basé sur le genre de Makamba. Même son de cloche chez Pasteur Clovis Nyokwizigira de Vugizo qui indique que chacun doit agir. On demande à toute personne dans sa fonction de fournir l'effort possible pour qu'on amène les gens à avoir un comportement digne d'une personne, pas d'un animal. Les juges des tribunaux de résidence, les officiers de police et judiciaire, les directeurs communaux de l'enseignement, les assistants sociaux et les leaders communautaires des communes de Makamba étaient réunis à Makamba ce vendredi pour arrêter ensemble les stratégies allant dans le sens d'éradiquer les violences en application de la loi du 22 septembre 2016. Jean-Pierre Misago depuis Makamba, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'expérience acquise dans différentes structures d'accueil permet aux jeunes volontaires de s'ouvrir des horizons, comme l'a reconnu le chargé des programmes des volontaires des Nations Unies au Burundi, Benjamin Frohen, à l'occasion de la remise ce vendredi des certificats à 180 jeunes provenant de la mairie de Bujumbura, des provinces de Makamba et Rumonge. De leur part, ces jeunes certifiés ont demandé d'autres appuis financiers afin de s'autonomiser, puisqu'à la fin de leur mission, ils se retrouvent dans la même situation de chômage. Reportage d'Ornella Mucho. Certains parmi ces jeunes volontaires indiquent qu'ils ont bénéficié de différentes formations, y compris la supervision et l'encadrement des structures d'accueil. J'ai acquis beaucoup d'expérience pratique, mais aussi le domaine que je travaillais, c'était nouveau pour moi. Et maintenant, je peux prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre qui n'étaient pas familiers pour moi. D'abord, ils ont bien pensé pour mettre les jeunes ensemble et puis de les montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Alors, les structures d'accueil qui les ont accueillis, ils ont vu réellement que ces jeunes sont compétents. Le chargé du programme des volontaires des Nations Unies au Burundi, Benjamin Frohen, indique que renforcer et augmenter les chances d'employabilité est l'un des objectifs de ce programme. La cible de cette idée, c'est surtout de renforcer l'employabilité, qui n'est pas seulement l'emploi dans le sens classique d'être employé, mais qui développe les capacités personnelles, ce qui peut aussi mener à l'idée de s'entraider, de créer des associations, aussi créer une nouvelle entreprise, aller en direction de l'entrepreneuriat, juste pouvoir se situer dans la commune et donc en même temps avoir cette première expérience. Ces jeunes volontaires demandent au gouvernement du Burundi en général de tout faire pour que la loi sur le volontariat puisse avoir le jour afin de clarifier les droits et devoirs des jeunes volontaires au Burundi. Ornella Mucho. Les administratifs à la base dans les quartiers de la commune Nhangwa, mairie de Bujumbura, s'inscrivent en faux contre ceux qui effectuent les travaux de curage dans les rivières passant dans leur quartier. Ils l'ont dit ce jeudi dans une réunion avec l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Ces administratifs disent que de tels travaux sont à l'origine de la destruction de ces rivières. C'est au moment où le représentant de l'association de ceux qui font le curage dans cette commune affirme qu'ils le font avec autorisation. Reportage de Gertrude Mawenay. Faustin Nyambere, le chef de quartier de Ewiti de Nyabagere en zone Kamenge, dit que la rivière Nyabagere est menacée par ceux qui pratiquent le curage. De l'autre côté, en haut de la RN1, une grande fossée s'est creusée dans Nyabagere à cause de ces gens qui font le curage. Ils creusent et enlèvent les pierres à la surface de la rivière. Didas Nibizi, lui aussi chef de l'un des quartiers de cette zone, indique que même s'il leur demande d'arrêter ce genre de travaux, la réponse est qu'il possède l'autorisation de le faire. Moi aussi, j'ai une question concernant la rivière Nyabagere. Les gens viennent en provenance des montagnes de Bujumbura Rural et ceux qui font des curages enlèvent les pierres qui soutiennent les rives. Et si on les demande de laisser, ils disent qu'ils ont des autorisations. Nous voudrions demander qu'ils soient poursuivis et traduits en justice. Le chef du commissariat de police de la commune Nahangwa, lui aussi, déplore que les efforts fournis pour arrêter ces gens sont voués à l'échec parce qu'une fois arrêtés, quelques jours après, ils reviennent avec une force double. Pascal Nyandoui, représentant de l'association de ceux qui font les travaux de curage en commune Nahangwa, indique que malgré qu'ils soient considérés comme des malfaiteurs, ils possèdent de l'autorisation de la part du CTMU. Nous sommes considérés comme des ennemis. Je n'ai jamais entendu dire dans de telles réunions que ceux qui font le curage font une bonne chose. Mais il y a certains endroits où nous contribuons pour limiter les dégâts. Avant, on travaillait avec le ministère de l'Environnement, mais actuellement, c'est avec la CETEMU qui accorde l'autorisation et après, il y a ceux qui viennent nous surveiller. C'est au moment où le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement précise que le code de l'eau et de l'environnement n'est plus à jour parce qu'il date de longtemps, mais que le processus de sa révision est en cours. Gertrude Mawinayo. D'autres nouvelles en bref. Trois vaches sont déjà emportées par la dermatose nodulaire en l'espace de 2 semaines en commune mandat de la province Bubanza. Cette maladie, qui n'est traitée que par vaccin, inquiète les éleveurs qui demandent à l'État de leur venir en aide en disponibilisant son vaccin qui est aussi cher, selon les responsables vétérinaires. Et les administratifs de Muyinga demandent une fois encore des contributions aux citoyens pour adapter le stade de Muyinga conformément aux exigences de la Confédération africaine de football. C'est après que cette confédération ait refusé d'homologuer le 10 stades. Et les administratifs relancent donc les activités, notamment au niveau des vestiaires, parking et entrées. Et les conducteurs de taxi-moto demandent la révision des heures de travail et souhaitent une prolongation jusqu'à au moins 20 heures au lieu de 18 heures, surtout en période des matchs de la CECAFA qui se joueront au stade de Rukundo de Bouillet. L'administrateur de la commune Ngozi répond que cette question sera bientôt débattue avec tous les intervenants en la matière. Enfin, un championnat interscolaire de badminton sera bientôt lancé dans toutes les écoles secondaires du Burundi. C'est le président de la Fédération burundaise de badminton qui l'a déclaré ce vendredi lors des matchs amicaux organisés entre des joueurs burundais et chinois vivant au Burundi. Abedi François Ndondo a demandé au gouvernement d'appuyer ce championnat car ce sport est reconnu même dans les compétitions mondiales comme les Jeux Olympiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Jean de Dionda Isinga pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. On reste ensemble puisque Léonce Vitaliho me rejoint pour la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Le CNRED, cette plateforme de l'opposition en exil, appelle les Burundais à boycotter le référendum constitutionnel. Un manque de réalisme pour certains, écrit l'hebdomadaire Iwachu. Il ne s'agit pas de se présenter au référendum, mais plutôt ne pas se présenter du tout. En réaction à ce sujet, entre Agathon Rwasa, le leader de la coalition Amizero ya Barundi, qui dit que le boycott profite au pouvoir en place, et Joseph Nakarutimana, le secrétaire général adjoint du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui indique que le CNRED est déconnecté des réalités du pays. Jérémy Ngendakumana, un des membres du directoire du CNRED, prône pour l'isolement total de Bujumbura. Le journal Iwachu estime que l'opposition en exil pèse peu sur l'échiquier politique. Bujumbura n'a pas l'intention de ralentir la cadence pour attendre que le CNRED accorde ses violons. Par ailleurs, poursuit-il un peu plus loin, l'on pourrait s'interroger sur le choix de l'appel au boycott. Le projet de révision est enclenché, qu'on le veuille ou non. Iwachu trouve que pour le moment, il est difficile à cette opposition de peser sur l'échiquier politique. En exil, éloignée du pays, elle peine à faire entendre sa voix. Iwachu qui revient également et longuement sur la mort d'un homme qui refusait de voter en province Changuzo, à l'est du Burundi. Fidèle à ses convictions religieuses, Simon Bizimana, un cultivateur de la colline Gisoro en commune Tiendajuru, a refusé de s'inscrire pour le vote du référendum de mai prochain. D'après sa femme, qui s'est confiée à notre confrère, Simon était un chrétien convaincu. Il appartenait à une sorte de confrérie de prière pacifique appelée Abasohoke. Iwachu parlait d'un homme sans histoire. On ne lui connaît aucun conflit dans le voisinage. Arrêté le 14 février, il a succombé le 18 mars 2018 à l'hôpital provincial des suites d'actes de torture, selon les activistes des droits humains. De la malaria, rétorquent les autorités. Le magazine Burundi Echo écrit sur le rapport Doing Business. Quel alignement pour le Burundi, se demande-t-il. 190 pays vont produire et transmettre les réformes entreprises en matière d'amélioration du climat des affaires à la Banque mondiale d'ici le 30 avril 2018. Cette institution classe ces pays selon les facilités d'y faire des affaires. Le Burundi s'est engagé sur cette voie des réformes depuis 2010. Sur une période de 7 ans, la tendance du classement pour le Burundi est sur les 3 premières années ascendante. 172e en 2012, 159e en 2013 et 151e en 2014. Mais de 2014 à 2018, la courbe du classement du Burundi est descendante. 152e en 2015, 155e en 2016, 157e en 2017. Il occupe la 164e position pour l'année en cours. Une marche à reculons, mais ce n'est pas à dire que le pays n'entreprend pas des réformes, soutient le magazine. Revue de la presse. Les entreprises de construction devraient veiller à la sécurité sur le chantier, titre l'agence burundaise de presse. Il écrit que la ville de Bujumbura est surplombée par des montagnes qui ont des sols favorables à l'érosion et qui sont à l'origine des incidents, notamment celui qui a emporté des vies humaines sur le chantier de Gashenyi dans la localité de Gatunguru. Et à propos de l'accident survenu le 16 mars sur le chantier où l'on construisait un immeuble en étage à Kiyanga en zone Buterere, l'ABP, qui cite le porte-parole du ministère de l'Environnement, parle d'une erreur de technicité et recommande aux entreprises de construction de veiller à la sécurité sur le chantier et à l'assurance des ouvriers. Les violences sexuelles préoccupent la ministre de l'Éducation nationale, selon le journal La Voix de l'enseignant. Désormais, un responsable scolaire qui se rendra coupable sera jugé sur place au lieu de recourir à l'ouverture d'une action disciplinaire, une procédure qui souvent dure longtemps et favoriserait la corruption. Il est grand temps que les hommes qui violent les femmes et filles en général, et les filles élèves en particulier, soient sérieusement et rapidement punis. D'habitude, les présumés violeurs sont poursuivis en justice, mais comme les procédures seraient longues, ils prendraient le temps de contacter les parents pour régler l'affaire à l'amiable ou chercheraient à corrompre la justice. Pour éradiquer ce mal de la société, il faudrait juger les soupçonnés dans les plus brefs délais pour établir les responsabilités et punir sérieusement les coupables, renchérit la voix de l'enseignant. Transport en commun à Bujumbura, marre de nos bus zombies. La communauté de blogueurs Yaga écrit que prendre le bus à Bujumbura n'est pas une partie de plaisir. Yaga qui fait semblant d'oublier les fils, la monnaie de rechange qui manque à chaque fois et s'intéresse à l'état même de ses véhicules, vieux, inconfortables, roulant à peine. Le billet parle d'une torture pour les passagers. Si on avait le choix, soutient-il, personne ne se déplacerait par bus à Bujumbura. Quand le moteur marche et que la voiture ne fume pas, le confort est plus que déplorable. Si on devrait prendre comme critère de choix le confort pour entrer dans les transports en commun de Bujumbura, on resterait sur le trottoir. Mais cela, c'est quand le moteur marche, bien sûr. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Jean-Bosco Nduimana et Léonce Bitaliho. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.